Merci beaucoup pour cette émission sur The Wire. Et vous demandiez ce qu'on pouvait regarder si on aimait The Wire. Eh bien, il faut retourner aux sources. Et il faut regarder l'extraordinaire série Homicide de Tom Fontana, qui se passait aussi à Baltimore et qui était basée sur le travail de Davin Simons, et qui est juste un chef-d'œuvre, qui est vraiment l'ancêtre de The Wire. Je lance un appel à tous les éditeurs. Est-ce que vous pourriez rééditer les 7 saisons, parce qu'elles ne sont pas disponibles en français? Et c'est vraiment une des plus belles séries que l'on ait jamais faites avec The Wire. Au revoir. Je vais revenir sur la petite réflexion qui a été faite en cours d'émission par une des invitées, qui disait en fait c'était une série, The Wire, que les Gilets jaunes devraient regarder. Fallait pas le dire, avez-vous dit, monsieur Cycliste. Pourquoi fallait pas le dire? C'est bien. Bonjour, je reviens sur l'émission concernant Dracula. Alors, je suis un petit peu déçue parce que vous n'avez pas du tout parlé de cette série géniale qui s'appelle The Strain, la série de Guillermo del Toro, qui parle d'une forme beaucoup plus réaliste de vampires, les Strigoi. Très bien filmée, très angoissante, très belle musique, très beaux effets spéciaux. Et ça foutait vachement la pétoche. Voilà, merci, salut. Bonjour. Je viens d'écouter votre émission sur The Wire et vous aviez évoqué une scène où tout le monde disait fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck. Je me demandais de quelle scène il s'agissait. Ce serait super si je pouvais avoir une réponse. Voilà, merci à vous et longue vie à Blockbuster. Ah oui, c'est encore la même. Oui, parce que j'ai complètement oublié, il y a une série géniale, très très drôle, qui s'appelle What We Do in the Shadows, qui parle de trois vampires qui viennent des Carpates, qui sont bicentenaires, qui sont complètement cons, qui cohabitent avec un vampire psychologique, qui est un mec qui parle aux gens et qui les endort et qui leur pompe toute leur énergie. C'est hyper drôle. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Allez, salut, bonne journée, ciao. Non mais sans blague, moi j'appelais pour commander une pizza. Alors oui, Dark Shadow, c'était la collab de trop entre Burton et Johnny Depp. Oui, Spider-Man se parle tellement à lui-même qu'il en est presque schizo. Oui, il y a plus de placements de produits dans la saison 3 de Stranger Things que s'il y avait vraiment une page de pub. Oui, 24 films pour en arriver à Avengers Endgame, c'était pas nécessaire. Oui, les cinématiques du premier Resident Evil sur PlayStation sont kitsch. Oui, il y a des épisodes de Charmed où je me demandais vraiment ce que je faisais devant la télé. Mais très cher, si on critique, c'est que ça nous importe. C'est qu'on aime, c'est que c'est important, sinon on se contenterait de s'en ficher. Salut, c'est Manu de Thionville. Eh ben, en écoutant le podcast, je viens de découvrir que Blockbuster allait passer une émission sur Ghostbusters. Vous accomplissez un rêve, c'est génial. Et en plus, Blockbuster, ça se passe au mois d'août. Allez, donc via Blockbuster et ciao. To be or not to be, not to be. 7-8 ans, je l'ai vu chez mon fils, c'est un âge compliqué. T'es assez grand pour être intéressé par des films réservés aux plus grands, mais pas encore assez pour les voir. Bah c'était pareil pour moi à 8 ans. Il y avait une sorte de compétition dans la cour de récréation entre mes potes et moi pour savoir qui d'entre nous allait réussir à voir un film de grand. Alors il y avait différents stratagèmes, hein, ceux qui faisaient semblant de dormir et qui se glissaient sans un bruit dans le couloir pour regarder le film de loin derrière les parents ou à travers les serrures de la porte du salon, ceux-là, le lendemain, ils avaient les cernes de l'audace sur le visage, c'était des warriors. Ceux qui bénéficiaient de l'aide d'un frère ou d'une sœur plus âgée, parce que quiconque fait partie d'une fratrie, sait de quoi je parle. Dans la maison, autant pour l'aîné, c'était la France de René Coty, rigueur et tradition, autant pour le second, c'est mai 68, hein, Woodstock, Flower Power. T'as l'impression que le premier a épuisé toutes les ressources de sévérité de ses parents. Et enfin, tu as ceux qui avaient des parents progressistes ou je m'en foutiste. Ceux qui avaient envie de voir un film envers et contre tout. S'ils devaient voir le film avec le gamin sur les genoux, bah tant pis, de toute façon, s'il est traumatisé, on paiera sa psychothérapie avec l'argent de la babysitter qu'on a économisé. Moi, les deux films que je rêvais de voir quand j'avais 8 ans, c'était Gremlins de Joe Dante et surtout Ghostbusters d'Ivan Reitman. Et j'ai réussi à voir Ghostbusters. Et je vous l'avoue, j'ai flippé ma race. Autant ce film m'a fait rire adulte, autant il m'a fait peur enfant. La bibliothécaire, les chiens démons, Gozer, tout m'a fait peur. Et c'est ce que j'ai expliqué à mon fils quand il a insisté pour le voir au même âge. Tu vois mon garçon, ces films, c'est un cocktail d'humour et d'horreur. Et si t'es pas assez secoué, eh ben tu sais quoi, l'humour, il reste en bas. France Inter, Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Allô, SOS Fantôme. Oui, bien sûr que c'est sérieux. Ah oui? Vous en avez? Pour de vrai? Bon, alors donnez-moi votre adresse. Oui, bien sûr. Oh, ça va de soi, discrétion assurée. Merci. On a un client! J'aime toutes les émissions de Blockbuster, mais je dois avouer qu'il y en a que je préfère par-dessus d'autres, notamment celle d'aujourd'hui. En décembre 1984 est sorti un film qui a assurément façonné tout ce que j'aime aujourd'hui, c'est-à-dire l'humour, le fantastique et une irrésistible envie de ne pas se prendre au sérieux. Imaginez, un film qui regroupe le talent d'un Bill Murray, d'un Dan Aykroyd, l'un des deux Blues Brothers, Sigourney Weaver, la Ripley d'Alien, Rick Moranis de la petite boutique des horreurs et de la folle histoire de l'espace. Tout ce beau monde réuni dans un New York qui montre une fois de plus dans ce film qu'elle n'est pas une ville comme toutes les autres. Ce film, c'est Ghostbusters. Et pour parler de ce film culte, je suis entouré par une équipe d'authentiques casseurs de fantômes. Tout d'abord, Océane Zerbini. Bonjour. Bonjour. Alors, ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes spécialiste en pop culture et en comics, créatrice du podcast The Lemon Adaptation Club. Exactement, ouais. C'est quoi exactement ce podcast ? C'est un podcast qui parle de comment le cinéma et les médias s'adaptent entre eux. Donc, c'est-à-dire que je vais parler de livres qui sont adaptés au cinéma, mais aussi de jeux vidéo adaptés au cinéma. C'est vraiment comment chaque média se dialogue entre eux via les adaptations. Donc là, on a fait par exemple Lego, et on va faire aussi Mars Attacks parce que c'est adapté d'un jeu de cartes. Oh là là. Et on va faire Transformers parce que c'est adapté de robots, de jouets. Eh ben justement, à propos de Transformers, il y a un amateur autour de la table de Transformers. Nico Pratt, bonjour, c'est son grand retour. Merci de m'accueillir. Nico Pratt, journaliste pop culture, rédacteur pour le magazine Rockyrama, auteur d'un livre sur Michael Jackson paru en mai 2019 et d'un hors-série sur Jurassic Park en 2018, tous les deux aux éditions Rockyrama. Également avec nous, Vesper. Bonjour Vesper. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous, donc youtubeuse. Vous parlez de pop culture également sur votre chaîne YouTube Les Chroniques de Vesper. Et vous êtes ancienne animatrice sur Jeux Vidéo TV. JVTV, exactement. JVTV, ouais. La web TV de jeuxvideo.com. C'est ça, voilà. Tout est bien dit, c'est beau. Et enfin, on a gardé le dernier, mais pas les moindres, mon ami Corentin. Bonjour. Bonjour Corentin. Comment vas-tu Frédéric? Très très bien. Comment allez-vous? Il faut que je te vous vois. Oui, on fait semblant de pas d'accord, se connaître. Excusez-moi. Cinéphile et rédacteur pop culture et comics pour le réseau Arts, qui regroupe comicsblogs.fr, Sci-Fantasy et 9e Art, des sites que je consulte régulièrement. Oui, voilà, invité de choix. Voilà, une personne avec qui je fais des fois des podcasts sur des films. Voilà. Ouais. Donc je suis ravi de vous, t'avoir autour de la table. Donc ensemble, on expliquera ce qui fait de SOS Fantôme Ghostbusters en VO un film culte. On reviendra sur une manière de produire et de réaliser des films comme on a peut-être oublié de le faire à l'heure des super productions franchisées sur fond vert. Et on s'interrogera sur la pertinence de vouloir relancer la machine avec un numéro 3 réunissant ce qu'il reste du casting initial. Mais pour l'instant, on est dans Blockbuster et qui c'est qu'on appelle ? Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit ? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier ? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme ? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme ! Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Alors pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas connaître ce film, car c'est une chance de pouvoir découvrir Ghostbusters comme ça avec des yeux vierges en 2019, Ghostbusters, SOS Fantôme, c'est quoi ? Nico Pratt. C'est l'histoire de trois scientifiques un peu ringards, en tout cas pas très considérés dans leur profession, voire carrément arnaqueurs, entre autres pour le personnage de Bill Murray, qui croient aux fantômes et qui décident un jour de monter ce qu'on pourrait appeler une petite PME, une petite entreprise. Une start-up nation, exactement, déjà à l'époque. Et donc cette entreprise, c'est tout simplement SOS Fantôme. Et il se trouve qu'au même moment, la ville de New York, qui est d'ailleurs l'un des personnages principaux du film, est envahi par les fantômes et donc ils deviennent des mégastars et ils sont extrêmement occupés. Et il y a une grande menace qui plane sur la ville et cette menace s'appelle Zool. Zool. Zool. Et alors, Vesper, à quelle époque vous avez découvert SOS Fantôme ? Très jeune, peut-être pas aussi jeune que vous, pour le coup, ça ne m'a pas trop traumatisé, mais peut-être vers 10 ans dans ces eaux-là. Vous aviez des parents responsables ? Oui, effectivement. Mmh. Mes parents ont tenu à me préserver, ils n'ont pas voulu que je regarde Buffy au début de sa diffusion à cause de ça aussi. Donc, Ma mère m'a forcé à regarder Buffy. Carrément. Du coup, c'est une bonne maman, parce que c'est une bonne série. Ouais. Elle m'a forcé à regarder Batman aussi, Star Trek, tout ça. C'est, oui, un peu, elle était geek avant l'heure. Et Océane ? Moi, je l'ai découvert quand j'étais dans un centre de loisirs pendant des vacances d'Halloween. J'avais 7-8 ans. Ils nous diffusaient pendant toutes les vacances d'Halloween, Men in Black, Ghostbusters, La Momie. C'était vraiment tous les films de l'époque qui faisaient un peu peur, mais qui faisaient aussi rire les enfants. Donc je ne suis pas sortie traumatisée, mais c'était un petit frisson sympathique pour les Alors, vacances. Alors Céline Hila, la réalisatrice de l'émission, qui tient véritablement à notre patrimoine français, a dit « C'est les vacances de la Toussaint, pas d'Halloween !» Désolée. Voilà, elle l'a dit avec cette voix. Je suis désolée, Céline. Corentin ? Bah moi, la découverte avec Ghostbusters. Ouais, je me souviens pas comment j'ai découvert Ghostbusters. Je crois n'avoir jamais pas connu Ghostbusters en fait. C'est-à-dire que j'ai complètement occulté le premier visionnage de ma mémoire. Je sais que je me souviens particulièrement du dessin animé Extreme Ghostbusters quand j'étais petit sur les chaînes de dessin animé avec Men in Black et compagnie. Et le premier visionnage en fait m'a toujours paru une évidence quoi. Je suis jamais revenu en mode tiens je le redécouvre etc. Je l'ai vu tous les 5 ans à peu près depuis que je suis gosse. Et alors non, j'ai jamais eu peur devant, parce que pour moi ça a toujours été un truc très peluche en fait, depuis le Step Up, qui s'appelle en français Bimardum, ou le Bouffetou et compagnie, ça a toujours été en fait un film comique. Et sur la question est-ce qu'il faut le relancer, on s'en reviendra plus tard, pour moi en fait ça reste une œuvre ancrée dans une époque et... qui est une époque que j'apprécie. Mais ce qui est fou, parce qu'en préparant l'émission, j'ai évidemment revu le film, et en le revoyant, ce qui m'a marqué, c'est que c'est effectivement moins un film de fantômes qu'un film sur la création d'une entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment le côté... Il y a ce que j'appelle la résilience new-yorkaise. On sent que les New-Yorkais, il peut leur arriver n'importe quoi. Bon, bah, on est New-Yorkais, on en a vu d'autres, et il y aura un avant, enfin, il y aura un après, quoi. Et, Le film termine par la réplique, j'adore New-York. J'adore New-York, ouais, c'est-à-dire qu'il y a des fantômes, il y a des éléments surnaturels, et à aucun moment on a le traitement pseudo-scientifique, métaphysique, religieux qu'on peut avoir dans d'autres films. C'est-à-dire que pour eux, ok, il y a des fantômes, et la première idée qui leur vient, c'est, comment on fait de l'argent avec ça? Mais d'ailleurs, c'est l'une des premières images qu'a eu l'idée du film. Elle vient d'Anna Croyd, même si au tout début, c'était pas du tout le même genre de film. C'était beaucoup plus cher, beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus science-fiction. Et en fait, d'Anna Croyd, parce qu'il y avait une idée de voyage dans le temps. Voilà, exactement. Il y avait plusieurs dimensions et en gros, ça aurait coûté l'équivalent de 300 millions de dollars aujourd'hui, donc un budget de blockbuster total et ce que personne n'était prêt à financer. Et en fait, c'est d'Anna Croyd à la base qui a eu l'idée parce que lui, il a grandi dans une maison hantée, en tout cas c'est ce qu'il dit, raconte souvent qu'il voyait des lustres se balader, qu'il voyait des fantômes de ses ancêtres se balader dans les couloirs. Dan Aykroyd, il est passionné par ça, et c'est lui en fait qui a eu l'idée un jour, il s'est tout simplement posé la question, il s'est dit « Pourquoi, alors que les fantômes existent, pourquoi je ne vois pas à la télé le genre de petite vignette comme celle qu'on voit dans SOS Fantômes, avec des gens qui disent, écoutez, s'il y a des fantômes cafards, chez vous, oui. Voilà, c'est l'équivalent de vous avez des cafards, on vient chez vous. Il s'est dit, pourquoi je ne vois pas ça à la télé alors qu'il y a des vidéos pour absolument tout. Et la première image qui lui est venue pour la préparation du film, c'est cette image de 3-4 mecs qui, face à qui dans la télévision, disent, bah, on va vous en débarrasser. Bon, on va continuer à explorer la genèse de Ghostbusters, mais avant ça, on va évidemment écouter Ray Parker Jr. avec, évidemment, le thème de Ghostbusters. Who you gonna call? afraid in our house. I hear it likes to guess. I ain't afraid of no ghosts. D'écouter Ray Parker Jr. avec le thème de Ghostbusters. Toujours la une dans les médias, SOS Fantôme est à nouveau sur la brèche. Cette fois, l'opération s'est déroulée dans une disco très in. Des hommes en combinaison grise ont eu raison d'un poltergeist pestilentiel, puis nos héros ont dansé toute la nuit avec les plus jolies femmes qui étaient sur place. Ici Kazi Kazem et maintenant le Hipara. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes des champions. Nos prix sont champions. C'est le genre vapeur ou ça a des pattes aussi? Comme on dit à la télévision, je suis persuadé qu'il y a une question qui brûle toutes les lèvres et je pense que vous êtes celui qui peut y répondre. Que devient Elvis? L'avez-vous vu récemment? Alors évidemment, derrière ce thème, il y a aussi une affreuse histoire de plagiat. Nico Pratt, est-ce que vous voulez un petit peu nous expliquer ? Une affaire de plagiat, oui, puisque quand le morceau est sorti, très nombreuses personnes ont remarqué qu'il y avait une énorme ressemblance toute petite. Avec une chanson qui s'appelle « I Want a New Drug » de Huey Lewis and the News. Huey Lewis and the News, c'est The Power of Love, entre autres. Retour à le futur. Voilà, exactement. Et on fait des crossovers. Voilà, et Ray Parker Jr. a toujours nié, et après, alors que dire, voilà, suffit d'avoir des oreilles quand même, c'est très compliqué à nier, et I Want a New Drug est sorti un an avant, voilà, donc et sachant même que pas l'excuse de la date. La prod de Ghostbusters avait en plus contacté Huey Lewis pour le film Ghostbusters avant d'aller vers Ray Parker, donc c'est assez évident de voir le lien qui s'est fait. Quoi. C'est un cas assez flagrant de plagiat, voilà, on peut le dire. Alors revenons à la création du film en tant que tel. Alors on l'a dit, Dan Aykroyd, lui, est passionné par les fantômes, mais initialement, dans le casting, c'était pas du tout les acteurs auxquels on a eu droit qui avaient été prévus. Ouais, notamment Eddie Murphy devait jouer un scientifique initialement, et au final, il a été remplacé par Ernie Hudson, qui ne joue pas du tout un scientifique, entre autres. Et tout le rôle a été réécrit dans la foulée. Le rôle de Winston. Oui, le rôle de Winston. Et il y avait John Belushi aussi, le grand pote de Dan Aykroyd. Qui devait jouer Peter Venkman, justement. Tout à fait, qui est mort. Qui est décédé, qui au final est quand même dans le film, dans le personnage de Bouftou. De Slimer, voilà. Puisque, c'est le fantôme vert qui ressemble à une énorme cacahuète. Voilà. C'est la mascotte. C'est la mascotte fantôme. Il est dans tous les films. C'est donc l'hommage à John Belushi. C'est l'hommage à John Belushi et qui était donc en effet décédé. En effet, Eddie Murphy a été allé faire finalement le flic de Beverly Hills. Il y a eu plein de tentatives. Jeff Goldblum a été envisagé. Egon Spengler. Exactement, le personnage donc de Harold Ramis. Il y a eu énormément d'idées qui ont été jetées. Christopher Walken, je crois, a été envisagé également. Et finalement, le seul qui était prévu dès le départ, c'est celui qui a eu l'idée du film, c'est Dan Aykroyd. Et Bill Murray a été assez difficile à convaincre parce que il avait un petit peu, c'est d'ailleurs quelque chose qui lui est resté, il a cette tradition de ne pas répondre au coup de téléphone quand on lui propose un rôle et de dire non assez facilement. Oui, en plus, De ce que j'ai lu il y a quelques jours, Bill Murray a maintenant une ligne spéciale où on peut l'appeler pour lui proposer un rôle. Donc c'est qu'il est vraiment, il se veut vraiment inaccessible. Donc si on veut le convaincre de faire un rôle, il faut vraiment être très très très motivé. Alors il faut préciser que tous ces individus, Dan Aykroyd, Bill Murray, sont des humoristes américains et qu'ils avaient déjà une notoriété. Issus du SNL. Voilà, le Saturday Night Live. Voilà, c'est ça, du Night Live où ils étaient déjà connus du grand public. Ils avaient déjà fait énormément de comédies. Donc ils avaient une sorte de bagage humoristique qui était déjà assez important quand ils ont attaqué le film Ghostbusters. Ça venait même d'avant le SNL, puisque le SNL est donc une réserve pour stars du cinéma américain. Mais la réserve du SNL, c'est une troupe d'improvisation qui s'appelle Segom City, dans laquelle ils sont tous passés. Encore aujourd'hui, des Tina Fey sont passés par là. Rick Moranis a fait ses premières œuvres là-bas. Et donc oui, en effet, ils se connaissaient tous, ils étaient tous potes. John Belushi également faisait partie du SNL, puisque les Blues Brothers, à la base, on le rappelle, c'est un sketch du Saturday Night Live. Donc voilà, ils se connaissaient tous. Et Eddie Murphy, pareil. Voilà, donc... La base de la base, c'était cet humour en plus profondément ancré dans New York, puisque le Saturday Night Live, c'est ancré à New York. Donc voilà, ça a toujours été cet humour-là, et c'était pareil d'ailleurs avec le casting féminin, avec la version de 2016. Kate McKinnon, voilà, Leslie Jones, qui viennent du SNL. Entre autres. Alors je me risque peut-être à une comparaison hasardeuse, mais est-ce que le Ghostbuster de 84, ça ne serait pas un petit peu notre cité de la peur avec des humoristes connus du grand public qui se réunissent pour faire un objet qui ressemble à rien d'autre et qui cartonne au cinéma. Ouais, après la différence, c'est que au départ le premier projet était vraiment très premier degré. C'était vraiment un film de science-fiction dans la veine de ce qui se faisait à l'époque après le succès de Alien, Star Wars et compagnie. Et c'est devenu un film d'humoriste en fait quand justement Ivan Reitman, qui a lu le script, a dit en lisant je comptais les millions, quoi, on va dire. Et du coup ils ont un peu retravaillé ça à leur sauce, mais faut savoir que du coup Second City c'est aussi une troupe d'improvisation. Et du coup il y a beaucoup de dialogues qui n'étaient pas comiques au départ qui ont fini par shifter. Il y a aussi beaucoup de vannes qui étaient prévues pour le rôle d'Eddie Murphy qui ont fini par aller vers Bill Murray parce que juste il avait pas assez de blagues. Et à la fin en fait c'est devenu une comédie parce que les acteurs se sont imprégnés en fait du script qui au départ devait pas du tout être juste un projet comique. On a dit Aykroyd était vraiment très féru de culture spiritique, ouais. Quoi. Mais alors étonnamment, c'est une comédie, mais qui traite quand même toujours son sujet avec sérieux. Je ne sais pas si Vesper peut confirmer ou infirmer, mais il y a cette dimension quand même de... On rigole, mais on est quand même très premier degré. C'est-à-dire oui, je trouve qu'on rigole sans se moquer, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant. Et c'est toute la force aussi du cast. Comme vous parlez effectivement du SNL, on sent qu'il y a quand même une alchimie de dingue dans toute cette équipe, et c'est ça qui marche aussi, c'est ça qui fait qu'ils ont réussi aussi à se réapproprier un peu leur texte. Effectivement, voilà, les dialogues passent d'un personnage à l'autre et tout se passe très bien. Et c'est vrai que c'est voilà, on se moque pas. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait le succès du film en fait. Nicoprate. Et puis c'est aussi un film où chacun a la possibilité de mettre absolument ce qu'il veut. Bill Murray est en roue libre, en effet. Ivan Reitman. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un film où Bill Murray n'est pas en roue libre? Lost in Translation. Retenue, justement. Lost in Translation, qui est un peu. Mais j'avais l'impression dans Lost in Translation de voir un vieux Bill Murray, mais toujours oui, Bill Murray. Un Bill Murray blasé, mais. Moi, je trouve. Alors là, on s'éloigne un peu du film. Je trouve que c'est un peu le film qui lui a permis, contrairement aux autres, pour le coup, contrairement à Dan Aykroyd, de rester pertinent. C'est-à-dire qu'il a prouvé qu'il pouvait également être, certes, un papy, mais plus en retenue, plus introverti. Mais c'est un autre sujet pour une autre émission. Mais non, voilà. C'est-à-dire je le note. Bill Murray est en roue libre. Harold Ramis, il peut faire. Harold Ramis, pas du tout. Ivan Reitman, il peut faire absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire grand fan, par exemple, de King Kong et de Godzilla. Bon, bah voilà, il peut mettre un bibendum géant dans les rues et citer Godzilla. Tout le monde finalement est libre de faire absolument ce qu'il veut. Dan Aykroyd, il est comme un ouf, c'est son idée et lui, il y croit. À ces fantômes. C'est aussi pour ça que c'est pertinent. Harold Ramis, lui, il a réécrit avec Dan Aykroyd, donc c'est lui qui a permis davantage d'identification au personnage dans le script, puisque c'était un petit peu plus fourre-tout à la base. Donc voilà, chacun a pas des billes dans l'affaire, mais chacun y a mis de l'affect. Mais c'est fou, Peter, tu ne trouves pas? Quand je pense qu'on a atteint l'éther de la métapsychique, tu te rends compte de l'impact à l'université? En plus gigantesque que le microprocesseur. J'en suis excité comme une... Je ne dirais pas que l'expérience soit complètement négative. Avec ces nouvelles données, nous pouvons nous déclarer en mesure de capturer un revenant et de le garder à perpétuité. Ça, c'est super! Si le taux d'ionisation est constant chez toutes les entités ectoplasmiques, on va pouvoir leur casser la gueule. Au sens médiumnique, évidemment. Hey Spengler, c'est vraiment sérieux, cette capture de spectre? Je suis toujours sérieux. Alors, Alors je rappelle que vous pouvez tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20, 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, car c'est votre émission et le sujet du jour, c'est bien évidemment Ghostbusters. Alors on l'a vu, Ghostbusters c'est vraiment la Madeleine de Proust du cinéma de divertissement, et en revoyant le film... Il y a une dimension dont on ne parle pas assez quand on parle de Ghostbusters, à mon sens, c'est l'Amérique réganienne, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, l'envie de faire de l'argent, qui est quand même très, très, très, très, très, très présente. C'est-à-dire que s'il y a un film de droite fantastique, j'aurais tendance à dire que c'est Ghostbusters, parce que... D'autant plus que ça se passe, d'autant plus que ça se passe à New York. Donc New York, vraiment, ce sont des vrais lieux qui sont clairement identifiés dans le film. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas l'autorisation. C'était un tournage assez guérilla. Et pour le coup, New York, jusqu'à les années précédentes, c'était Taxi Driver, c'était Mean Streets, c'était ces gangsters. C'était une ville pourrie, c'était une ville dangereuse. Et là, voilà, on est sous Reagan, donc il y a un certain optimisme, même presque un côté un petit peu conquérant, qu'on interprète souvent au travers du cinéma plutôt des Stallone et des Schwarzenegger, mais en effet, Ghostbusters parle également de ça, c'est-à-dire voilà, une ville et une Amérique qui retrouve de ses couleurs et qui redevient finalement un symbole. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans le film de 2016, c'est à quel point les filles galèrent à trouver un local qui soit dans leurs moyens. Quand on leur dit que le fameux local des Ghostbusters c'est à 21 000 $ par mois, ben on leur dit non, juste je peux pas, trouve-moi le truc le moins cher. Donc il y a aussi le fait que je trouve qu'on voit que le film montre que l'économie s'est un petit peu effondrée, que les gens ont un peu moins de moyens, même pour lancer leur boîte, 21 000 $, tu peux pas tout le temps te le permettre. Non, Corentin. Et dans le premier, quand même, les écolos sont les méchants. Oui, c'est ça. À cette époque. Exactement. Où, alors aujourd'hui, évidemment, on a toujours les grands plans du mec qui veut rétablir l'ordre naturel avec des kaiju et compagnie. Mais à l'époque, c'est quand même un vrai écolo, donc Walter Peck, qui incarné par William Atherton, qui joue également dans Piège de Cristal. Le relou dans Piège de Cristal, le journaliste relou, donc d'ailleurs qui s'était fait poursuivre par des fans. Toute sa vie, les gens l'ont détesté à cause de ça. Mais à l'époque, c'était vraiment genre l'antagonisme était créé par ces vilains gauchos qui voulaient protéger l'environnement. Quoi. Oui. Donc c'est quand même assez étrange. En coupant l'électricité. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que c'est de voir que, par contre, les autres figures d'autorité de la ville, c'est-à-dire le maire, le cardinal, qui représente, les représentants politiques ou religieux, eux, ils s'entendent bien avec les Ghostbusters. C'est vraiment l'État et la bureaucratie qui vient se mêler de ce qui les regarde pas. On n'a pas le droit de se promener avec des packs protons nucléaires en plein milieu de New York et d'aller détruire des fantômes. C'est quand même fou. Et je trouve qu'il y a cette dimension de l'Amérique, genre laissez-nous libres, on est vraiment libéraux, mais au sens le plus basique du terme. Ouais. Et puis t'as ce montage façon Rocky d'entraînement, on va dire, où on voit qu'il perd vraiment. C'est vraiment une success story en fait. Oui. On voit qu'il passe à la télé, il sponsorise des produits, etc. C'est la richesse, montez votre boîte et. Et les femmes commencent à danser avec. Oui, voilà. Ça aussi, ça. Là, on est vraiment dans. Toute la nuit. On est dans les années 80. Alors je l'ai dit en début d'émission, je suis entouré par des pros, mais il va quand même falloir le prouver. Il y a Nicolas, ça y est, il commence à suer déjà. Je déteste. Parce que ça n'est pas bon de vivre sur ses acquis. C'est le moment du détecteur de mensonges. Je n'ai même plus envoyé de faire un geste pour la musique arrive, comme ça c'est magique. Je vais vous poser trois questions extrêmement pointues concernant les fantômes. Saurez-vous y répondre? Dans Ring d'Hideo Nakata, si on regarde une cassette, on meurt 7 jours plus tard. D'après vous, si on la passe à l'envers, est-ce qu'on vit 7 jours de plus? C'est bête. C'est moi. C'est très bas. Techniquement, à France Inter, on ne dit pas c'est bête, on dit c'est Sigrist. En soi, tu passes toujours la cassette, donc a priori tu meurs quand même vu que non, tu la passes. Voilà, je crois que c'est le principe même d'appuyer sur play qui te tue. Ouais. Peu importe le sens de la cassette. Sinon, tu la en boucle. Tu la regardes et te la rembobines sinon. Voilà. C'est bête, mais vous avez répondu. C'est vrai. On se prend dans le jeu. Cimetière de Stephen King. Tout animal enterré revient à la vie extrêmement diabolique. Mais qu'en est-il des poissons rouges? Qui enterre son poisson rouge? Plein de gens. Des gens? C'est plein de gens. Non, il y a des gens qui enterrent leur poisson rouge. Mais il y a des cimetières d'animaux, donc oui, je pense que... Oui, il y a plein de gens qui enterrent leur poisson rouge en jardin. Exactement. Donc est-ce qu'il revient méchant, le poisson rouge? Comment il fait pour attaquer les gens? Il attaque nageoire. Est-ce qu'il remeurt? Je répondrai pas à cette question. Il a juste pas ressortir des toilettes où il était. Dernière question existentielle, attention. Le zombie... Est-il un fantôme qui refuse de se mettre tout nu? Oh là, tu racontes. Mais les zombies nus, alors, comment ça se passe? Parce qu'il y a des zombies qui sont nus. C'est une allée. C'est... Le fantôme, a priori, n'a pas de corps physique. Oui, il n'a pas de corps. Donc le zombie n'est pas un fantôme. Le zombie, c'est quand même un fantôme qu'on peut toucher. Le zombie, c'est pas un spectre. Il revient, mais c'est pas un spectre. Mais du coup, les morts vivants, ils sont morts ou vivants? Là, je sens que Nico, même dans un costénaire à la con, on sent qu'il est en train de dire. Ouais, bah non, je suis au sérieux. Parce que là, c'est 6 pages recto verso. Bon, écoutez, de toute façon, on a encore une chanson pour réfléchir à tout ça. On écoute tout de suite Hubert Lenoir avec Fille de personne. C'était Fille de personne d'Hubert Lenoir. Frédéric Sigrist. So far so good. Blockbuster. Sur France Inter. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Inversion complète de la charge des protons. Ah bon, et ça c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Egon. Alors, si le premier Ghostbuster est un film culte aujourd'hui, eh bien ça n'a pas toujours été le cas. Notamment au moment de la sortie, pour la critique. Et bah, pour ceux qui connaissent l'émission, vous l'avez deviné, c'est bien évidemment le moment j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Comme beaucoup de films américains, ça commence très bien, ça finit moins bien. Ça correspond quand même à quelque chose de précis dans le cinéma américain parce qu'ils veulent avoir des films qui montent. Il faut qu'il y ait de 10 minutes en 10 minutes, un peu comme dans les pornos, une surenchère. Moi, je peux trouver ça tellement drôle, à vrai dire. Je suis désolé, là, c'est la fin qui est insupportable. Tout à l'heure, on disait les trucages sont beaux, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, je les trouve assez moches. Ça devait beaucoup plaire à des cow-boys de 10 ans d'âge mental, dont il y a un grand nombre en Amérique, quelques dizaines de millions, si j'ai bien compris. Ça ne mérite pas qu'on en discute. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j Moi, ce que j'aime vraiment le plus par-dessus tout en France, c'est notre côté humble. Vraiment, vraiment, par rapport à la création, on dit toujours les choses dans la simplicité. Voilà. Alors, est-ce que le film a été un succès à sa sortie? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut qualifier, parce que les tarifs ont changé, maintenant, on parle de 300 millions de dollars de box-office, des trucs de feu, des chiffres de folie. Est-ce que Ghostbusters, quand c'est sorti, ça a été un film qui a eu du succès? Oui, un énorme succès. Ça a même été, pendant très longtemps la comédie la plus rentable d'Hollywood, avant d'être détrônée par Maman, j'ai raté l'avion. Oui, c'est Maman, j'ai raté l'avion, du coup. De Chris Columbus et John Hughes. Donc, oui, ça a très bien marché. Il a eu un démarrage qui était déjà assez fort. Après, le bouche à oreille, en fait, n'a fait que grandir. Et, bah, finalement, du coup, d'où la suite. Et puis, les millions de produits dérivés qu'il y a eu ensuite, cartoons, peluches et compagnie. Non, ça a tout de suite été un film quasiment culte. En tout cas aux États-Unis. Film qui a pas coûté grand-chose en plus. Je crois que le budget c'est 30 millions de dollars. Voilà, Reitman lui il était ravi parce que d'habitude on lui filait des budgets de 10 millions. Donc voilà, c'est un mec, c'est Frank Price de la Columbia qui a fait un pari, qui a dit je te file 30 millions. Ils se sont débrouillés pour faire tout rentrer, mais au final non seulement les gens se sont rués dans les salles, mais en plus c'était un investissement assez mineur. Et alors, est-ce que quand on regarde le film aujourd'hui, est-ce qu'il a encore ses vertus intemporelles ou est-ce qu'il y a certains aspects du film qui ont vieilli? Océane. Eh bien, comment dire, ça a un peu vieilli. On a quand même un certain aspect boys club dans les deux premiers films où c'est vraiment une équipe complètement masculine, voire complètement blanche quasiment, parce que Ernie Hudson, le pauvre, il fait un peu c'est de la figure. Il s'est un faire-valoir. Sigourney Weaver qui est là aussi, qui a pas un rôle transcendant, en tout cas dans le premier. Dans le deux, on sent qu'ils ont essayé un petit peu d'enrober le personnage, de lui apporter un peu plus de consistance. Mais globalement, ça reste un film de potes. Et c'est vrai que... Parce que le personnage de Bill Murray, Peter Venkman, si jamais on... Alors, c'est toujours très difficile d'analyser les œuvres passées par le prisme... Il est détestable. Il est vraiment détestable. Aujourd'hui, si on regarde le personnage de Peter Venkman, avec le filtre Me Too, on a affaire à un forceur de folie. C'est vraiment... Et même la manière dont il traite Sigourney Weaver, elle lui fait comprendre. Elle lui dit, en fait, je t'ai largué parce que tu me considérais comme un boulet. Donc c'est vraiment un mufle dans les films. Il lui embrasse les seins pendant qu'elle dort, dans le premier. Enfin voilà, c'est un peu pendant qu'elle est possédée. Enfin voilà, c'est un peu... c'est plus que limite. Mais on est en 84. Et alors, cette problématique a un petit peu ressurgi au moment du reboot de 2016. Où de nouveau, il y a eu un tollé sur Internet parce que le casting devenait intégralement féminin. C'est ça, au point qu'il y a une scène dans le film où les filles s'amusent à lire des commentaires YouTube qui les descendent. Donc on sent quand même qu'il y a un petit impact des retours négatifs, en tout cas dès les annonces de casting. Ça avait vraiment été un tollé parce que tout le monde disait « Ah, vous allez toucher à mon enfance. » Enfin, ça a vraiment été un gros scandale. Donald Trump avait tweeté là-dessus. Donald Trump avait fait une vidéo « And now they're making Ghostbusters with women. » C'était vraiment un scandale extraordinaire alors que... Mais c'était avant le mouvement MeToo, c'était justement avant cette prise de conscience très générale du cinéma hollywoodien et des cultures d'Occident, on va dire, sur le manque de diversité, sur la place des femmes à Hollywood et partout, en fait. Et le fait est que, oui, en fait, il était même limite précurseur par rapport à tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Mais il faut voir que Sony a vraiment eu peur à l'époque. Ils avaient même commencé à commander un script à Lord Miller pour faire un film Ghostbusters masculin avec Channing Tatum. Là, très clairement, Lord Miller, qui sont les réalisateurs de la grande aventure Lego et Spider-Man Into the Spider-Verse. J'adore. Et tu vois, enfin, aujourd'hui, il l'assume plus du tout, ce film. Je me fais du souci, c'est archi plein là-dedans. Et mes données sont formelles, il y a du gros gibier à l'horizon. Et c'est quoi, votre gros gibier? Bien, disons que ce petit cake représente la quantité normale d'énergie psychokinésique dans le secteur de New York. Selon l'analyse de ce matin, notre petit cake va atteindre 12 mètres de long pour un poids de 300 kilos au bas mot. C'est un sacré petit cake. Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple, d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse. On vient d'avoir la visite d'un mec de la commission de l'environnement. La grille, elle tient le coup? Pas trop. Et dis-lui pour le petit cake. C'est quoi le petit cake? Alors, évidemment, le petit cake. Alors Ghostbusters, ça a été un film, mais ça a été également un dessin animé qui a rencontré un gros succès. Corentin, c'est également des comics. C'est des oui, alors les comics n'ont pas connu un grand succès pour le coup, mais oui, c'est des comics. C'est publié chez IDW, c'est ça, tout à fait. Ce qui est une grosse boîte qui fait que des licences aux États-Unis. C'est aussi eux qui font les Evil Dead. Oui, les Evil Dead qui ont fait aussi un peu. Oui. Et les comics, pardon, je les connais pas du tout. Enfin, je les ai jamais lus. Ça poursuit l'histoire. Ça poursuit. Ouais. En fait, c'est dans la continuité des premiers. D'accord. Des deux premiers, donc avec l'équipe originale, comme le dessin animé The Real Ghostbusters. Voilà, ça n'a pas connu un grand succès. En général, on considère que c'est un peu des produits dérivés des années 80, c'est-à-dire que c'est très dispensable, en résumé. Après, c'est peut-être des fans qui vont me tuer, mais voilà. Ouais. Alors, il y a eu ce reboot de 2016 qui a soulevé des polémiques incroyables et qui a été un des films les plus critiqués sur Internet. Vesper, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, le trailer a eu un nombre impressionnant de pouces rouges sur YouTube. Voilà, 9e vidéo la plus dislikée de toute l'histoire de YouTube. Des fans qui ont exprimé leur mécontentement. Enfin, après, c'est certains c'est des fans de Ghostbusters, certains c'est juste des personnes qui n'acceptent pas que ce soit des femmes aussi, tout simplement. Mais d'ailleurs, c'est une forme de harcèlement numérique qu'on a pu retrouver avec le film Captain Marvel, qui a soulevé aussi le même genre de passion absolument incompréhensible. Ah oui, mais c'est enfin pour le coup, en fait, quand c'est la bande annonce qui est décriée de base, c'est de la misogynie. Hein, c'est pas compliqué. Quand on critique le film, c'est normal. Le film est loin d'être parfait. On en parlera, je suppose, un peu plus tard dans l'émission. Ah, mais pas, parce que ça va, il n'y a pas beaucoup de temps. Ah, bon, et ben voilà. Mais le film n'est pas parfait, effectivement. Donc là, tout le monde a le droit de l'apprécier ou non et de lui reprocher des choses ou non. Mais là, quand c'est juste au niveau de la bande-annonce, on n'a encore rien vu. Et que les gens ont décidé que leur enfance avait été ruinée parce que c'est des femmes qui enfilent la combinaison, c'est absolument débile. Non, ça c'est en effet absolument ridicule. En l'occurrence, la différence avec Captain Marvel, c'est que Captain Marvel, bon bah voilà, le personnage est féminin, c'est une origin story, c'est le premier film Captain Marvel. Là, pour ce qui est de SOS Fantôme, c'est-à-dire que en effet, il y avait des gens absolument stupides qui gueulaient uniquement parce que c'était des femmes, mais malheureusement, voilà. Alors moi, personnellement, je ne suis pas un défenseur du film. Ce que je regrette surtout, c'est pas du tout que ce soit des femmes. En plus, j'aurais adoré voir Sigourney Weaver, par exemple, rejoindre la nouvelle équipe des Ghostbusters. J'aurais trouvé ça absolument génial. Ce que je regrette, c'est que ce soit des femmes de talent, des actrices de talent, à qui on file une histoire déjà racontée et déjà usée. C'est voilà. Ça. Bah moi c'est marrant, mais Kristen Wiig, son personnage m'a beaucoup fait penser à justement Dan Aykroyd, dans le sens où c'est eux qui y croient, donc Dan Aykroyd qui a grandi dans la culture du paranormal, et Kristen Wiig qui dit à un moment du film, bah en fait moi quand j'ai grandi, il y avait un fantôme au pied de mon lit, et c'est avec lui que j'ai grandi, c'est pour ça que je crois aux fantômes. Et en fait le film est parasité justement par le fait qu'il renvoie constamment vers le premier Ghostbusters, donc l'apparition du logo, les caméos en tout genre, la musique, les acteurs originaux qui jouent d'autres rôles, c'est absurde. Le film ne s'assume pas, en fait. Le film ne s'assume absolument pas, exactement. Mais on voit qu'il y a une envie de faire mousser cette nostalgie. C'est le Hollywood du présent, c'est le Hollywood qui a peur de l'invention. Et qui plutôt que du coup, parce qu'il y a eu des essais du côté de Disney, du côté de Universal, de Paramount et compagnie, et en général on s'est aperçu étonnamment que les nouveaux produits ne prenaient pas, donc on a été chercher toute cette saga là, on a fait des Prometheus, on a fait des Ghostbusters, on va faire des Indiana Jones 5, et on continue comme ça d'aller piller une réserve de licences, parce que les années 80 sont l'essor du nouvel, la mort du nouvel Hollywood et l'essor du Hollywood des licences, et Ghostbusters, étonnamment, alors que justement c'était un film de potes, comme on l'a dit, c'était un film très sincère, très honnête, fait par une équipe d'amis, donc pas comme un film de studio, est devenu un produit de studio, un produit marketing qu'on peut dériver à l'envie. Et moi, je suis d'accord avec vous, évidemment, le film ne mérite pas les torrents qui s'est pris, mais effectivement, on peut très bien être contre l'idée de, encore une fois, rebooter Ghostbusters. Je pense pas que ce soit un film qui ait les épaules pour devenir une franchise, en effet, je suis d'accord avec toi. Eh bien, on va prendre le temps d'une chanson pour réfléchir à tout ça. On va écouter Juice de Lizzo. L'émission est réalisée par Céline Hila. La programmation musicale est signée Muriel Pérez, Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castelot à la préparation de cette émission, et à la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame. don't even gotta try. I like shouting, nigga, better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you lie. C'était Juice de Lizzo. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et je vais continuer à parler comme ça parce que c'est pas du tout saoulant. Mais figurez-vous, mes chers amis, que c'est l'heure du jeu. Thomas Ricouard au téléphone. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous allez bien? Vous nous appelez d'où? J'appelle de Lille. Ah, ben on est ravis, on est ravis. On est écouté à Lille, on est écouté partout en France. Wow. Je crois même qu'à Los Angeles, ils voulaient nous appeler, mais ils sont couchés à cette heure-ci. Vous êtes la radio number one. Hein, on est la radio numéro un. Alors Thomas, vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker, c'est-à-dire qu'il vous donne le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. Vous avez bien compris? D'accord, ouais. Thomas, il est très très calme, il est très concentré. Mais là, j'ai révisé les films, je suis au taquet. Bon, alors, on y va, vous êtes prêts? C'est parti. Ouais. Le chiffre numéro 6, c'est réponse A, le nombre d'années pendant laquelle Ghostbusters est resté la comédie la plus rentable au box-office avant de se faire détrôner. Réponse B, c'est le nombre de semaines durant lequel le single Ghostbusters était en tête des ventes aux États-Unis. Réponse J'aurais tendance à dire la B. Réponse B. Vous en êtes sûr? Vous pouvez oui. appeler un ami, mais comme vous êtes au téléphone, ça ne sera pas possible. Ça ne va pas être possible. Non, vu les années 80, ça ne me semble pas délirant qu'un titre soit resté 6 semaines. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Oh, eh oui, c'était la réponse A. Donc Thomas, c'est pas oui. grave, il y a eu une erreur, mais on peut se rattraper. Est-ce que pour la prochaine question, vous voulez faire appel à un joker? On va faire appel à Nico Pratt tout de suite, comme ça je serai sauvé. Très bien. Non, alors, pas du très tout. Bien. C'est pas du tout garanti, mais c'est gentil. Là, Nico, il se disait super, il n'y a plus de jeu, je suis tranquille. Mais non, on ne laissera pas okay. tranquille. Donc c'est moi qui dois répondre oui, à la question. Là, il faut répondre D'accord, à la question. C'est parti. Pour qui le rôle de Winston Zeddemore fut écrit initialement? Il n'y a pas de proposition? Vous êtes un expert. Hein. Deux. Alors, attends. Pour qui le rôle de Winston Zeddemore fut écrit initialement? Eddie Murphy. Bonne réponse de Nico Pratt. Nico Pratt. Formidable. Thomas a rattrapé. Alors dernière question. Là, il faudra pas se rater, Thomas. Ouais, j'ai la pression là, je le sens. Quelle stratégie promotionnelle les équipes de Ghostbusters ont utilisée? Alors, je donne un indice. C'est lié à qui vous allez appeler? C'est-à-dire, en fait, je comprends pas le sens de la question. Je vous explique. Quelle stratégie promotionnelle, qu'est-ce que l'équipe marketing a imaginé pour que on parle de Ghostbusters? C'est lié à Who Gonna You Call? Le numéro de la pub du film était valable. Oui. Bravo, bravo, bonne réponse Thomas, bonne réponse. Et ben voilà, et ben écoutez, vous avez gagné un formidable cadeau. Ah oui, il manque une question. Il manque une question, vous avez gagné. Tu l'auras jamais ton cadeau. Vous aurez une question supplémentaire. D'accord. Alors, vous allez entendre un extrait d'une phrase de Peter Venkman. Il faut me dire à quel moment, à quoi ça correspond et dans quel film. Zut, flûte, cacaboudin. Bon, alors ça c'est très facile. C'est le moment où il y a Bill Burnham Chamallow qui apparaît. Et en fait, c'est ce qu'il dit quand il voit le divin d'homme apparaître. Après avoir enguirlandé son collègue qui... Parce que ça fait j'boum là-dedans. Donc c'est le premier film, c'est Gozer. C'est... Allez, on l'accepte. De toute façon, je vais vous dire, voilà. Moi, j'aime pas la défaite parce que je trouve que, franchement, c'est un truc has-been. Donc vous avez gagné. C'est au moment où il crame l'église, c'est pas ça? Ben en fait, non, l'extrait exactement, c'est je crois que c'est dans Ghostbusters 2, pas dans Ghostbusters 1. Ah non, c'est dans le 1. Alors là, je m'inscris en faux. C'est la très bonne réponse. Zut, flûte, caca, boudin, c'est dans le premier. Ok, alors effectivement, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est bien, c'est une bonne réponse. Mais donc, vous avez doublement gagné en fait, c'est bien. Hein ouais. Le droit d'animer l'émission à partir de maintenant. Allez-y. Donc, l'été prochain, si vous êtes disponible, il y a un créneau qui vient de se libérer. Alors, vous avez gagné l'édition du très beau livre Ghostbuster, toute l'histoire de SOS Fantôme Paris aux éditions Huggin et Menin en 2015. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, Thomas, d'avoir participé. On est arrivé au bout de ce jeu et j'espère que on aura encore la chance de vous avoir au bout du poste durant tout cet été. Avec plaisir. Voilà. Alors, je tiens à adresser un grand merci à tous nos invités, Océane, Zerbini, Vesper, Nico Pratt et Corentin. J'ai été ravi de faire cette émission spéciale Blockbuster. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez, via notre répondeur, tout cet été, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Ghostbuster. En tant qu'envoyé officiel et représentant de cette ville, du comté et de l'état de New York, je t'ordonne de cesser toute activité surnaturelle et de retourner immédiatement d'où tu viens, ou si ça t'arrange, dans la plus proche dimension parallèle. Es-tu un dieu? Non. Alors, périsse. Ray, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. On se retrouve demain pour parler chanteuse à voix, poutine et sperme congelé. Demain, on parle de la seule et unique, la grande Céline Dion.